Avec cette femme, ma vision virtuelle qui me montre ses beautés charnelles qui nourrissent aujourd'hui alors mon spirituel. Remercie l'éternel pour ce contact avec cette belle, oui, simple et bien naturelle. Mais pourtant, alors, oh oui, qu'est tant qu'artificiel, mais paraissant pourtant si réel. Et quand tu n'y crois plus que ça tombe dessus, l'amour revenu, le mérite apparu. Et quand tu n'y crois plus que ça tombe dessus, l'amour revenu, le mérite apparu. C'est quand tu n'y crois plus que ça tombe dessus, l'amour revenu, le mire est apparu. C'est quand tu n'y crois plus que ça tombe dessus, l'amour revenu, le mire est apparu. Un regard croisé, t'as envie de l'embrasser, tes sens se sont tournés. Alors tu voudrais lui avouer que tu voudrais l'aimer, le coup de foot t'a touché. Mais si dans le ciel, le ciel, que tu veux te continuer à deux. Que c'est beau d'être amoureux, envoûté par une gueule charnelle. Alors oui, femme, que tu es belle. Que tu es belle quand t'es naturelle, tu nous donnes des ailes. Oh oui ma belle, c'est la love melody que t'as ressenti. Dis-lui avant qu'elle ne s'enfuit. C'est la love melody que t'as ressenti. Alors avoue-lui, oui c'est la love melody que t'as ressenti. Dis-lui avant, oui vois qu'elle ne s'enfuit. C'est la love melody que t'as ressenti. Alors avoue-lui. Envie d'écrocher la lune, de lui avouer par la plume. On te dit sans qu'une, mais le cœur est ta fortune. Pas de bijoux, ni diamants, que du love brûlant. Alors pourquoi pas à mon bois du canton, mes parents. Mais faut bien, oui, oui, passer le temps. Oh oui, oui, faut passer le temps. C'est la love melody, petite fille de la nuit, que t'as fait entrer dans ma vie. C'est quand tu n'y crois plus, ça tombe dessus. L'amour revenu, le mire est apparu. C'est quand tu n'y crois plus que ça tombe dessus, l'amour revenu, le mire est apparu. C'est quand tu n'y crois plus que ça tombe dessus, l'amour revenu, le mire est apparu. C'est quand tu n'y crois plus que ça tombe dessus, l'amour revenu, le mire est apparu. Ça tombe dessus, l'amour de Dieu, mais rien pas.